Non, c'est, on nous discutait au restaurant, je me souviens. Et le restaurant, c'est qui était rue de la... Bah, je ne sais plus, c'est une rue, tu sais, qui donne sur, vers le boulevard Saint-Germain, le boulevard de Strasbourg. Et c'était au niveau de Château d'Eau. Et on était dans un restaurant dans une cour. Bah, le Brésil, évidemment. Et moi, j'ai la France en plus. Ah, bah, le Brésil, j'adore, voilà. C'est le pays de mon père et de mon grand-père. Et la famille Gomes de Matos est une grande famille brésilienne. Voilà. Si tu pouvais rechercher les gens de ma famille là-bas, je suis preneur. Hein. D'accord. Si tu en as si un Belo Horizonte, tu me fais savoir. D'accord. Je vais chercher. Ouais. Merci.